Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce dernier jour du mois de juin, c'est une destination estivale que Franck Ferrand nous propose. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons en effet nous promener dans le Berry, je vous le disais il y a un instant, sur les pas de George Sand. Et pour nous accompagner, je ne pouvais pas mieux choisir que l'ami Gonzague Saint-Brice, avoué. Il est comme toujours le bienvenu au cœur de l'histoire. Et un peu avant 15h, vous répondrez à la question d'Emmanuel posée via la page Facebook de l'émission sur les origines de l'expression « s'en moquer comme de l'an 40 ». Ben oui, après tout, de quel an 40 est-ce qu'on parle? Pour le moment, il va s'agir de l'an 1840 et de celle qui, à l'époque, faisait tant et tant parler d'elle, la chère Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pays de George Sand, car c'est bien ainsi qu'on nomme le beau, le riche, le profond Berry. Trois hauts lieux sandesques dans ce Berry que dépeignent si bien les aquarelles de Philippe Lorrain, la maison de la Bonne Dame à Nohant, bien sûr, qui relève des monuments nationaux, le musée George Sand de la Châtre, qui n'est pas très loin de là, et ne l'oublions pas, la maison musée de Gargilès, où notre héroïne va passer bien des années en villégiature. Bref, c'est toute la province berrichonne qui rend hommage aujourd'hui encore à George Sand. Mais si le Berry lui doit beaucoup, disons aussi que Sand elle-même doit beaucoup au Berry. Il faut vous dire qu'elle l'a toujours connu, ce Berry, puisque sa grand-mère, Marie-Aurore Dupin de Franqueuil, l'avait acheté au début de la Révolution. Elle avait acheté une belle gentilhommière sise dans l'Indre, à une trentaine de kilomètres de Châteauroux, le domaine de Nohant, qui finira par se fondre dans la vie de George Sand. Elle est née en 1804, notre Georges, qui en fait s'appelait Amantine, je dis bien Amantine avec un T, Aurore Lucille Dupin. Elle est née en 1804 le 1er juillet, ce qui veut dire qu'il y aura 210 ans demain, figurez-vous. Elle n'est pas née dans le Berry, elle est née à Paris, dans le 3e arrondissement. Son père est Maurice Dupin de Franqueuil, c'est le petit-fils du célèbre Maurice de Saxe, le maréchal de France, le plus grand soldat du règne de Louis XV. Quant à sa mère, Sophie Victoire de Laborde, elle est elle-même la fille d'un maître paumier, c'est-à-dire que son père jouait, faisait du jeu de paume, vous savez. Il était maître oiselier, comme on disait à l'époque. Il vendait des serins et des chardonnerets sur le quai aux oiseaux, à Paris. Vous avez bien compris qu'on est donc en présence de ce qu'on appelle une mésalliance. Aurore, si vous voulez, a une double ascendance, aristocratique et même très aristocratique du côté de son père, et carrément populaire du côté de sa mère. Et évidemment, ça va jouer sur sa personnalité, ça va décider de bien des choses pour l'avenir. Alors, comment les vies, si différentes de ses parents, ont-elles pu se croiser, se rencontrer? C'est vrai qu'on peut poser la question. Eh bien, c'était à la faveur des campagnes de Bonaparte en Italie. Maurice avait été incorporé dans l'armée révolutionnaire et il y a connu Sophie, mais ils ne se marieront qu'un mois à peine avant la naissance de la petite Aurore. Ils se marient le 5 juin 1804. On est donc là au tout tout début de l'Empire. Alors avant de rencontrer sa future femme, le père de George Sand, je devrais dire le père d'Aurore, a eu une liaison avec une domestique du domaine de ses parents à Nohant, justement. Or, de cette liaison est né un petit garçon que Maurice Dupin refuse de reconnaître et qui donc va prendre le nom de sa mère, ce sera Hippolyte Chatiron. La petite Aurore Dupin passe de son côté les trois premières années de sa vie rue de la Grange-Batelière, dans le 9e arrondissement de Paris. Et en 1808, son père est en garnison à Madrid. Eh oui, c'est la guerre en Espagne, évidemment. Donc sa mère, Sophie, qui à l'époque est enceinte de 7 mois, rejoint son mari avec Aurore. Et de là va naître un petit frère, Auguste, qui hélas vient au monde aveugle et qui ne vivra pas au-delà de ce premier été. La petite famille est prise dans le tourbillon des guerres de l'Empire, l'heure de la retraite d'Espagne a sonné, et c'est l'heure pour la famille, pour la petite famille, d'un voyage très long, très éprouvant, à travers les Pyrénées, etc., jusqu'à Nohant, au cœur du Berry. Nohant, qui peut donc apparaître aux yeux de la petite Aurore comme un refuge, comme un havre bienvenu. Elle est loin de deviner encore évidemment qu'elle y passera les années les plus heureuses de sa vie et qu'elle y écrira la majeure partie de son œuvre. Alors, son ami, le journaliste Edmond Plochu, qui a entretenu une longue correspondance avec l'écrivain et s'est rendu à de nombreuses reprises à Nohant, cet ami écrit dans Georges Sand à Nohant, justement, je le cite, « Aurore Dupin, depuis Georges Sand, ne vint à Nohant avec sa mère et son père, l'un des plus brillants et des plus jeunes aides-de-camp de Murat, qu'en août 1808, à la fin de la désastreuse guerre d'Espagne. La péninsule ne leur avait pas été hospitalière et quand l'enfant, elle avait 4 ans, fut placée dans le lit de sa grand-mère, le soir même de son arrivée, cela lui fit l'effet d'un paradis. Songez donc, ce lit en forme de corbillard orné de grands panaches aux 4 coins avait des doubles rideaux, des lambrequins découpés et des oreillers bordés de dentelles, mais ceci en si grand nombre que toutes les têtes des frères du petit Poucet eussent pu y rouler à l'aise. Combien la jeune voyageuse dut se sentir loin des posadas d'Espagne et de la vermine qui avait failli l'y dévorer. » La future Georges Sand d'ailleurs raconte elle-même que les murs étaient tendus de toiles de Perse à grand ramage. Tous les meubles, dit-elle, étaient du temps de Louis XV. Le lit en forme de corbillard avec de grands panaches aux 4 coins, ça vient donc d'elle cette expression, avait des doubles rideaux, etc. Et elle-même montre qu'elle était complètement émerveillée. Elle vit, on peut le dire, un des moments fondateurs de sa vie. Peut-être que toute sa vie, Georges Sand essaiera justement de retrouver cette espèce de paix, cette espèce de havre qui avait été celui de la maison de Nohant au moment où elle y était arrivée avec ses parents. Alors, la famille Dupin, il faut vous le dire, enchaîne les malheurs. D'abord, le petit Auguste, là, le petit qui était né aveugle, très affaibli par le voyage depuis l'Espagne, meurt le 8 septembre 1808. Et une semaine plus tard, deuxième drame, Maurice Dupin, donc le père d'Aurore, fait une chute de cheval tout près de la Châtre. Il ne s'en relève pas et il va mourir le 16 septembre 1808. Après la mort du père, il y a un conflit terrible entre Sophie, entre la mère d'Aurore, et sa belle-mère, hein, une sorte de bras de fer avec notamment pour enjeu l'éducation, la garde de la petite Aurore. Elles sont sur des idées très différentes. Un compromis est trouvé. En février 1809, Sophie, qui a été dotée par sa belle-mère d'une pension confortable, il faut le dire, va repartir pour Paris. Elle se désiste de la tutelle de son enfant, ce qui veut dire que la petite fille, désormais, va vivre, va être élevée, va être cajolée par sa grand-mère et elle ne verra plus sa mère qu'en hiver. Elle vit donc à Nohant. La petite Aurore se sent abandonnée, nous dit Anne-Marie de Brême. Elle sait d'une certaine manière que Nohant, cette arrogante demeure, a repoussé sa mère. Il lui faudra mûrir, devenir adolescente pour assumer ce déchirement. Finalement, l'existence à la campagne est heureuse pour une enfant. Aurore mène une vie libre, joue dans le petit bois planté de troènes aux fourrés impénétrables, galope à travers les sentiers du jardin, construit une grotte avec des cailloux, rêve devant un autel qu'elle a élevé à Corambet. Dieu surgit de ses rêves. Elle lui offre des oiseaux, des papillons, des scarabées. Les leçons n'occupent pas toute la journée. La petite fille court à la métairie chercher des œufs, aider aux soins des bêtes. Dans ce Berry paisible, elle vagabonde dans les vallons, dans les chemins creux, le long de la rivière avec les petits paysans de son âge. Fanchon, Pierrot, Liline, Rosette ou Sylvain. Nocturne numéro 2, signé Chopin à l'instant sur Europe 1. Franck Ferrand et son invité Gonzague Saint-Brice vous emmènent sur les pas de Georges Sand aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos messages et réagir à l'émission, soit sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire, ou sur Twitter avec le hashtag ACDH, sur la page de Franck Ferrand également. Vous pouvez également cliquer sur europe1.fr. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand vous emmène sur les pas de Georges Sand à Nohant, dans le Berry. Alors, il faut que j'avance un peu plus vite. On va passer quelques années. En 1818, elle a 14 ans, la jolie Aurore, quand sa grand-mère, qui la trouve un petit peu rebelle, décide de l'envoyer chez les bonnes sœurs, hein, au couvent des dames augustines anglaises de Paris. Le but, c'est de parfaire son éducation, etc. Sauf que Georges a l'âme tellement sensible, elle est tellement enthousiaste et un petit peu enflammée, qu'elle va traverser une vraie crise de mystique. mysticisme. Or, la grand-mère, elle, est une véritable femme des Lumières, d'une certaine façon. Ça l'inquiète, cette histoire. Elle décide de retirer sa petite fille 2 ans plus tard. Donc, la petite Aurore rentre à Nohant. C'est une belle époque, ça. C'est là qu'elle va vraiment échanger avec sa grand-mère. Il y a une affection qui est une très belle affection réciproque. La grand-mère lui fait découvrir Jean-Jacques Rousseau, qu'elle adore, mais toutes sortes d'autres auteurs, Chateaubriand, Montaigne, Pope, Dante, enfin j'en passe. À 17 ans, nous dit Plochu, Aurore Dupin avait tout lu avec une facilité d'intuition qu'elle m'a dit avoir perdue quand vint l'âge mûr. La langue de Rousseau et la forme de ses déductions s'emparèrent d'elle comme d'une musique superbe éclairée d'un grand soleil. Seulement, pendant les 2 années au couvent, la mère Grand avait vieilli, bien entendu, sa santé décline, et bientôt elle va être victime d'une attaque d'apoplexie, comme on disait à l'époque, elle fait une attaque, si vous voulez, et un AVC, on dirait aujourd'hui. Et c'est Aurore qui prend la gestion de la propriété en main. Les bourgeois de la Châtre la voient passer à cheval, nous dit Anne-Marie de Brême, montant en garçon, rencontrer les fils des amis de son père, avec lesquels elle noue de solides amitié, prendre des leçons d'anatomie avec un voisin, mener une vie libre. Ils sont choqués, les 10 voisins. Ce n'est qu'un début. Lorsque Madame Dupin meurt, donc la grand-mère, en 1821, laissant Nohant en héritage à sa petite fille, l'amour pour le Berry est né dans le cœur d'Aurore. Elle ne le perdra plus. Ses souvenirs d'enfance ont eu le secret de m'attacher à la maison par des liens d'affection et de bien-être qui font que je ne m'en éloigne jamais sans pleurer de regret et que je n'y rentre point sans pleurer de joie, écrit-elle dans l'histoire de ma vie qui nous sert beaucoup pour ce récit, évidemment. Elle a hérité le domaine de sa grand-mère, mais la mère, elle, rappelez-vous, Sophie Victoire, exige que sa fille vienne vivre avec elle à Paris. Ça se passe très mal, pour tout vous dire. Il y a de tels conflits que finalement la mère la confie à la famille Retier du Plessis, qui vit avec toute une famille, 5 filles, vous imaginez, dans un petit château près de Melun. Ce sont des moments assez agréables pour Aurore, tellement agréables qu'elle va y rencontrer un certain François-Casimir Dudevant, qui est avocat à la cour royale, et qu'elle va épouser à Paris le 17 septembre 1822. Le but, disons-le, pour Aurore, c'est de se libérer de la tutelle, hein, évidemment, en épousant, en devenant une épouse mariée, évidemment, elle s'émancipe. Leur fille Solange viendra au monde le 13 septembre 1828 à Nohant, mais la paternité, disons-le, est un petit peu douteuse, parce qu'à la même époque, Georges, on l'appelle encore Aurore pour le moment, entretient une liaison avec un certain Stéphane Ajasson de Grandsagne, qui est un berrichon, originaire de la Châtre, et qu'elle aime beaucoup. Oh, il faut vous dire qu'elle a un cœur d'artichaut. D'ailleurs, au moment où la situation avec son mari se dégrade réellement, elle est déjà dans les bras d'un autre, elle entame une nouvelle idylle avec un certain Jules Sandeau. Elle est amoureuse, très amoureuse, et le 4 janvier 1831, elle quitte Nohant pour aller rejoindre à Paris cette espèce de petite société de jeunes berrichons férus de littérature romantique, hein, qu'elle fréquentait déjà dans l'Indre. Il y a la Charles Duvernay, Alphonse Fleury, Jules Sandeau, bien entendu. Dans ce Paris de 1831, on est au tout début de la monarchie de Juillet, il faut imaginer l'effervescence romantique de tout ça. Aurore va mener une vie de bohème, il faut le dire, elle fréquente les théâtres, les musées, les bibliothèques, les cafés. Elle a obtenu de la préfecture de police de l'Indre une permission de travestissement, ce qui lui permet de porter le costume masculin, plus pratique, dit-elle, qui passe plus inaperçu. Elle endosse une redingote guérite, dit-elle. Elle se noue une grosse cravate de laine, se fait couper les cheveux juste aux épaules et met un chapeau de feutre mou. Et par ailleurs, elle affiche ouvertement sa liaison avec Jules Sandeau. Les deux amoureux commencent une carrière de journaliste. Ils vont écrire aussi un roman commun, Rose et Blanche. L'ouvrage a été ébauché par Aurore, il est remanié entièrement par Sandeau et il est publié sous un pseudonyme un peu bizarre, Jules Sand. C'est un succès, ce roman. Et pendant l'hiver suivant, Aurore va écrire un nouveau roman, Indiana, qu'elle écrit à Nohant, et elle se propose de le signer Jules Sand. Seulement, Jules Sandeau est pas d'accord, bien entendu. Il veut pas qu'on lui attribue la paternité de ce livre auquel il est totalement étranger. C'est à ce moment-là que pour satisfaire son éditeur, Aurore va choisir le prénom de Georges. Georges ou Georgos en grec, c'est le paysan, c'est le cultivateur. Vous voyez, ses racines berrichonnes reprennent le dessus. Le roman est publié le 19 mai 1832 sous le nom de G. Sand et tous les romans ultérieurs le seront, sous le pseudonyme désormais tellement célèbre de George Sand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous emmène sur les pas de George Sand. Dans le Berry qui influence la jeune femme jusque dans le choix du pseudonyme avec lequel elle connaît donc la célébrité. Et Nohan va jouer un rôle incontestable dans l'œuvre de Sand. Si elle vit à Paris, elle se rend le plus souvent possible dans le château de son enfance. C'est là qu'elle trouve vraiment son inspiration. Et après y avoir écrit son premier roman, c'est également à Nohan qu'elle achève pendant l'été 1832 l'écriture de Valentine qui lui donne définitivement la renommée. Il faut vous dire qu'à côté de ça, sa vie continue à cavalcader. En 1833, elle quitte Sandeau, elle rencontre Musset, avec lequel elle va entretenir cette histoire d'amour orageuse, passionnée, que j'ai eu l'occasion de vous raconter ici. Et la liste des amants, évidemment, n'est pas terminée. Après, d'ailleurs, quelques mois après la rupture avec Musset, elle va faire la rencontre de Frédéric Chopin, avec lequel va commencer cette liaison extraordinaire en 1838. Le couple passe ses hivers à Paris et ses étés, de longs étés, à Nohan, et ça devient une source d'inspiration aussi bien pour l'écrivain que pour le compositeur. Il s'est forgé là des œuvres importantes, nous dit Anne-Marie de Brême. Consuelo, Le Meunier d'Angibault, La Mare au Diable, écrit par Sand, mais aussi L'Éducation de la Vierge de Delacroix, La Fantaisie en Fa mineur, La Valse du Petit Chien, La Sonate funèbre, Les Nocturnes de Chopin. Les soirées autour de la grande table ovale du salon paraissent aux yeux non avertis des invités parfaitement insouciantes. Pauline Viardot chante des airs folkloriques recueillis auprès des paysans. Chopin se met au piano et bavarde avec Delacroix. Évidemment, il faut aller à Nohan, j'ai eu l'occasion de vous le dire bien souvent, mais c'est un endroit tellement habité, tellement extraordinaire. Alors, avec Chopin, ça ne durera pas trop non plus. Vous connaissez cette histoire et le voyage à Madère, etc. Et lorsque Chopin part vraiment pour Paris, ce sont cette fois les pantomimes et bientôt les pièces de théâtre qui prendront le relais dans l'animation, avec notamment Maurice, le fils de George Sand dont on parlera, qui prendront le relais pour animer les soirées de la maison. Au-delà de ce seul château de Nohan, c'est tout le Berry qui l'inspire, la forteresse de Saint-Chartier ou l'auberge du Bœuf couronné qui lui inspire le roman Les Maîtres sonneurs, le château d'Ars où elle situera plusieurs scènes de son roman Les Beaux Messieurs de Bois Doré, le moulin d'Angibault qui va donner naissance au meunier d'Angibault en 1845, etc. Néanmoins, les charges de cette maison sont très importantes. Alors, il faudrait que je vous parle de la Révolution de 1848 qui a beaucoup déçu George Sand, de toutes les pérégrinations qui s'en suivront. Finalement, en 1864, elle va finir par abandonner Nohan, en tout cas par laisser Nohan, pour acheter une petite propriété à Palaiseau, où elle va vivre avec Alexandre Manceau. Ça, je vous ai raconté ça il y a quelques mois à ce même micro. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque finalement, elle abandonne cette nouvelle maison pour rentrer à Nohan. Voilà ce qu'elle écrit dans « Histoire de ma vie ». « Ces sillons de terre brunes et grasses, ces gros noyers tout ronds, ces petits chemins ombragés, ces buissons en désordre, ce cimetière plein d'herbes, ce petit clocher couvert de tuiles, ce porche de bois brut, ces grands ormeaux délabrés, ces maisonnettes de paysans entourées de leurs jolis enclos, de leurs berceaux de vignes et de leurs vertes chènevières, tout cela, disait-elle, devient doux et cher à la pensée quand on a vécu dans ce milieu calme et silencieux. Et l'on peut dire que cette fois, elle va rentrer pour toujours, ou à jamais, dans son cher Nohan, là où était la tombe de son père, celle de sa grand-mère qui l'avait élevée et où elle-même souhaitait reposer à jamais. À 70 ans, on la voit encore guérir ses rhumatismes en prenant des bains dans la rivière très froide, hein, dans l'Indre. Elle trouve dans le Berry de son enfance de telles satisfaction qu'elle n'a pas peur de la vieillesse. L'âge le plus heureux et le plus favorable de la vie, dit-elle. Néanmoins, au début de l'année 1676, alors qu'elle commence un nouveau roman, elle tombe sérieusement malade. Depuis un an, un mal à l'estomac tenace lui fait parfois se demander s'il ne faudrait pas, je la cite, « s'attendre à un départ subit un de ces matins ». Le 30 mai, il est trop tard pour l'opérer. Elle va mourir au matin du 8 juin 1876, à Nohan, bien sûr, dans son Berry, bien sûr, dans ce Berry qu'elle a tant, tant aimé. Cher Gonzague, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Alors, j'ai parlé de la bonne dame de Nohan, nous avons évoqué le Berry, mais George Sand, ce n'est pas seulement ça, bien entendu, il y a tant et tant à dire. C'est ce que vous faites dans ce bel album que vous lui consacrez. Dans un instant, nous allons essayer d'éclaircir un certain nombre des mystères de la bonne dame de Noël. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Campanella sur Europe 1, Franck Liszt. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Gonzague Saint-Brice pour parler de George Sand. Il est écrivain, historien, journaliste et auteur d'une cinquantaine de livres, dont En tête à tête avec George Sand, aquarelle de Philippe Lorrain et préface de Françoise Chardenagor chez Grund. Et est-ce qu'on peut dire, Gonzague, que vous êtes plus prolifique que George Sand d'une certaine manière? Certainement pas, parce qu'elle, alors là, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, 25 000 lettres, 8 volumes d'autobiographie, 85 livres, des pièces de théâtre, des carnets intimes, des agendas, en tout une centaine d'œuvres. Alors il m'en faut encore 50. Bon, mais vous avez tout le temps devant vous, c'est la différence avec elle. Alors, j'ai parlé du Berry, qui a été évidemment une source d'inspiration extraordinaire de George Sand. Quand on parle de George Sand, évidemment, c'est à François Champy, c'est à La Mare au Diable, c'est à tout ça qu'on songe, c'est à cette atmosphère champêtre, en quelque sorte. Hein. Il y a de la glaise à la plume de cette femme-là. C'est ça qui est absolument merveilleux. Il faut que vous vous rendiez tout de suite, d'ailleurs, dans le Berry. Actuellement, il y a le festival de Nohant. Et puis, c'est cette profonde ruralité de George Sand qui va d'ailleurs expliquer par un paradoxe incroyable sa notoriété internationale, parce que en se fixant sur son lieu d'enfance, en le racontant avec les cornemuseux, avec les jeteurs de sorts, avec les bœufs, avec les pique-niques au bord de la rivière où venait Chopin à dos d'âne, eh bien, elle va devenir mondialement célèbre, et notamment au point qu'en Russie, les Russes alors deviennent complètement fous de George Sand en disant Tourguenieff dit elle était une de nos saintes, Bakounine dit elle était la mère du roman russe. C'est quand même extraordinaire. Et tout ça, c'est en étant plus provincial que provincial qu'elle devient mondiale. À une époque, il faut un peu remettre les choses en perspective, à une époque où le roman est en pleine explosion, ça va être le grand genre évidemment du 19e siècle, mais très rares sont les femmes qui, évidemment, se livrent à cet exercice, à une époque où justement les femmes sont totalement reléguées et où elles s'imposent, elles, en portant la tenue d'homme, en fumant le cigare, en faisant du scandale, il faut bien le dire, en multipliant les amants, et à une époque, c'est peut-être plus important encore, où le régime politique change sans cesse et où les idées peuvent être, peuvent être portées, mises en avant. Elle est républicaine, elle, cette George Sand. Elle est tout à fait républicaine, dans une époque où d'ailleurs, Lamartine va être candidat à la présidence de la République. Et vous savez pourquoi? Chez les romantiques, hein? Chez les romantiques. Pourquoi Lamartine n'a-t-il pas été élu? Eh bien, parce que la télévision n'existait pas. Et dans les campagnes, on croyait que Lamartine, c'était une femme qui montrait ses seins nus sur les barricades. Oh, moi, je vote pas pour Lamartine. Vous avez raison de dire ça. Vous avez raison de parler de ce siècle de géant du romantisme. Et en fait, qui a malgré tout donner sa place aux femmes, parce que les femmes, bien sûr, elles écrivent sous des noms d'hommes, comme le fait d'ailleurs la grande amie de George Sand, qui est Marie Dagou, mais tout de même, il y a quand même une génération de femmes qui arrivent avec George Sand au pouvoir. Et ces femmes, elles ont, je pense, un véritable espoir. Alors, George Sand a été une femme de terroir, on l'a vu, mais elle est aussi l'incarnation d'un certain parisianisme. C'est même le début du parisianisme, donc c'est assez étonnant. On a vu qu'elle était républicaine, qu'elle avait des origines populaires par sa mère, mais elle a aussi des origines pour le moins aristocratiques du côté de son père. Elle est l'arrière-petite-fille du grand Maurice de Saxe, tout de même. C'est ça qui est extraordinaire. Elle descend du roi Auguste de Pologne. Puisque lui-même était fils naturel, oui, il faut dire. Hein. Ouais. Et c'est ça, vous l'avez très bien peint tout à l'heure, c'est ça, c'est la beauté de son caractère qui est à la fois d'être une fille d'une dame qui vendait des oiseaux sur le bord de la Seine et de descendre de la plus haute aristocratie européenne. Dans votre... Comme l'a dit Oscar Wilde, elle manifestait toujours le respect le plus profond pour l'aristocratie de l'intelligence, mais la démocratie de la souffrance la touchait davantage. L'aristocratie de l'intelligence, la démocratie de la souffrance. Il n'y a qu'Oscar Wilde pour résumer en une seule formule autant de complexité mêlée. C'est magnifique ça. Alors, votre livre est truffé de belles citations. C'est là qu'on se rend compte de l'incroyable rayonnement, de l'aura qu'aura pu avoir cette femme hein, à travers tous les continents. Vous citez notamment Henrienne, comme on dit en France, Heinrich Heine, hein, un des grands romantiques. C'est à la page 12 de votre livre. Oui, oui. Lui, il la décrit physiquement en fait. Hein. Absolument. Son front n'est pas haut et sa riche chevelure, du plus beau châtain, tombe des deux côtés de la tête jusque sur ses épaules. Ses yeux sont un peu ternes, du moins ils ne sont pas brillants. Leur feu s'est peut-être éteint par les larmes fréquentes ou peut-être a-t-il passé dans ses ouvrages qui ont répandu leurs flammes brûlantes par tout l'univers et embrasé tant de têtes de femmes. On les accuse d'avoir causé de terribles incendies. L'auteur de l'Elia a les yeux doux et tranquilles qui ne rappellent ni Sodome ni Gomorre. Elle n'a pas un nez aquilin et émancipé, ni un spirituel petit nez Camus. Son nez est simplement un nez droit et ordinaire. Vous savez ce qui est absolument merveilleux ? Donc, elle est adulée outre-Rhin, elle est adulée au bord de la Tamise, elle est adulée au bord du Potomac, elle est adulée jusqu'en Russie, Dostoïevski, Tourguenieff, même Bakounine lui rend hommage. C'est incroyable. Mais sur ce physique assez extraordinaire, qui est un physique moyen, c'est une jolie femme... pas très grande. Et alors, comment... Avec le teint mat, les cheveux très noirs. Voilà, vrai, et hein, comment comprendre ce physique ? La première fois qu'elle rencontre Alfred de Musset à ce fameux dîner de la revue des Deux Mondes, on les a mis à côté parce qu'on veut que ça explose entre ce dandy amoureux et cette femme si sensuelle. À un moment, le frère de Musset, après le dîner, il s'approche, Paul de Musset, il s'approche de son frère Alfred. Tu l'as trouvé comment ? Réponse d'Alfred. Très belle, mais pas à première vue. Et j'adore cette phrase parce que c'est tout à fait ce qu'on ressent. Tout est dit. Alors, quand on feuillette... Et d'ailleurs, c'est très amusant, Franck, à quel point ces deux amants les plus célèbres sont des amants qui sont soi-disant féminins. Il faut savoir qu'à l'époque romantique, les hommes, les amants les plus extraordinaires peuvent avoir une apparence féminine. Et au début, ça a très mal commencé pour ces deux hommes une avec apparence elle. Une apparence dans le cas de Musset, quasiment un tempérament dans celui de Chopin. On reparlera, si vous voulez, de ses amours tout à l'heure, puisque nous sommes encore un peu dans le Berry. Puis alors après, nous allons partir directement pour Paris, pour Venise, pour Madère, etc. Je voulais évoquer la beauté de cet album hein, dont vous faites les textes. C'est Philippe Lorrain qui assure les aquarelles, on connaît bien Philippe Lorrain hein, dans cette collection chez Grune, et je le salue chaleureusement. Il y a, j'ai envie de dire, il a été particulièrement inspiré par les paysages berrichons. Il y a cette espèce de profondeur, comment pourrait-on dire, cette languidité à la fois profonde et tranquille. Oui, parce qu'on a passé un temps fou à aller dans les chambres d'hôtes, dans les villages. Les vieilles maisons qui se fondent avec les paysages. Saint-Chartier, c'est merveilleux. D'ailleurs, elle a dit des très jolie phrase de François Chandernagor de l'Académie française l'Académie Goncourt dans sa préface où elle a dit qu'on visitait les paysages et qu'on revisitait les pages. Enfin, mais vraiment. C'est ça, oui, c'est vraiment ça. Il y a une sorte de fondu enchaîné dans le Berry entre l'œuvre de Sand et sa vie et les paysages avec cette vallée noire et tout raconte quelque chose. Je suis devant la page qui illustre la Roche Guibaud hein, parce qu'il faut imaginer toutes ces vieilles bâtisses qui littéralement émaillent le Berry et on ne sait plus très bien ce qui est végétal, ce qui est minéral. Hein, la pierre se fond en quelque sorte dans les frondaisons. C'est ça le Berry. Il y a là une profondeur. Vous parlez des nuits ensorcelées du Berry. Parce qu'il y a une dimension diabolique aussi, bien entendu. Les fées et les sorcières ne sont jamais trop loin. Absolument, il suffit de se promener la nuit à la recherche de la mare au diable pour frémir avec tous les signes effacés de la nuit et les réveils magiques, les jeteurs de sorts, toute cette population primitive et initiée des sorcières. Alors les liens de George Sand, d'Aurore, avec sa mère, avec sa grand-mère, avec ses différents amants dont elle est plus ou moins la mère elle-même, et puis avec ses enfants, nous y venons avec vous Gonzague Saint-Brice dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et Franck, on vous retrouve avec votre invité Gonzague Saint-Brice, écrivain, historien, journaliste et auteur d'une cinquantaine de livres, dont En tête à tête avec George Sand. Et vous nous emmenez tous les deux sur les pas de George Sand. Cette George Sand dont Ernest Renan disait « Messieurs, dans 300 ans, on lira Madame Sand » et dont Chateaubriand disait qu'elle était le Lord Byron de la France. Quant à votre cher Honoré de Balzac, Gonzague, il écrivait « Elle a du génie et mène une de ces existences exceptionnelles que l'on ne saurait juger comme les existences ordinaires. » Et c'est vrai que c'est étonnant, sa vie est un roman plus extraordinaire encore que ses propres romans. Je me suis souvent demandé, pour tout vous dire, je me disais « Mais comment a-t-elle fait pour avoir ses amants incroyables, et notamment Alfred de Musset et Frédéric Chopin ?» Et finalement, la réponse est assez simple, c'est qu'elle faisait, passez-moi l'expression, mais elle faisait du rentre-dedans, comme on dit aujourd'hui. Elle avait une recette extraordinaire, parce que, en effet, elle est capable, quand elle voit un homme qui lui plaît, d'abord elle est dirigée par des modèles. Par exemple, à un moment, vient chez elle Franz Liszt, le magnifique pianiste hongrois, avec son amante... L'idole des foules européennes. Marie Dagoud, lui c'est la pop star, c'est le Mick Jagger de l'époque, avec Marie Dagoud, qui a quitté Marie, enfant, pour partir avec lui. Et tout d'un coup, George Sand, à la campagne, elle est seule, elle n'a pas d'amant à ce moment-là, elle se dit, c'est ça qu'il me faut. Alors maintenant, elle va faire le casting... Il faut que je trouve un musicien, un compositeur sexy comme lui, et elle pense aussitôt à Frédéric Chopin. Alors elle va assister à un concert de Chopin à l'Hôtel de France avec une copine, et à un moment elle donne un coup de coude à sa copine en désignant Chopin, et elle dit « T'as vu la jolie fille ?» en insistant sur le côté féminin de Chopin. Quant à Chopin, la première fois qu'il voit George Sand, il dit « Que cette femme est antipathique. » Et à ce moment-là, elle va tout faire pour avoir Chopin. Alors, comment elle va faire? Chopin a un ami polonais très proche. Elle va lui écrire une lettre de 28 pages pour dire « Voilà pourquoi je dois devenir la maîtresse de Chopin. » Finalement, elle va enfin l'écarter de toutes ses égéries parce qu'il est poursuivi par les femmes, dont la Delfina Potocka, etc. Et elle va le faire venir à Nohant. Et c'est pareil aussi avec Musset, parce qu'au début, avec Musset, ils sont camarades, ils s'amusent tous les deux, et puis elle donne des dîners, George Sand, dans un merveilleux endroit à Paris, Quai Malaquais, ils appellent ça la mansarde bleue, et Chopin est là comme un copain, et il fait des... Musset est là comme et il fait des trucs très drôles. Par exemple, à un moment, il s'habille en soubrette, alors on invite des gens très importants, des ambassadeurs et tout, ils sont servis par une soubrette un peu sexy qui se balade. Et qui est cette soubrette? C'est Chopin qui est déguisé. C'est Musset qui est déguisé. Et à un moment, Musset lui dit, ça y est, je suis obligé de vous le dire, c'est banal, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je suis amoureux de vous. Et donc, c'est tout ça. Alors, c'est ça qui est extraordinaire chez George Sand, c'est comment elle décide les hommes qu'elle veut s'offrir et comment elle a été merveilleusement aimée, puisqu'à la fin de sa vie, elle rencontre Alexandre Manceau, qui est un ami de son fils. Donc c'est la super cougar, et elle va dire « Mais j'ai jamais été aussi bien aimée, j'ai un amant plus jeune que moi. » Avec Manceau, il est beaucoup plus jeune qu'elle, mais à côté de ça, il est infiniment moins flamboyant qu'on peut l'être un Alfred de Musset ou un Frédéric Chopin, là, évidemment. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même un très bon artiste, un très bon graveur. Et puis, c'est des temps différents de vie, parce que avec Chopin, ça dure, avec Musset, ça ne dure que 6 mois. Avec Chopin, c'est un septennat. Oui, mais avec Chopin, c'est une relation assez platonique quand même, il faut bien le dire. Alors là, il y a une chose, pas vraiment, et il y a une chose terrible ce qui se passe avec Chopin, c'est que Chopin, bien sûr, quand il est à Nohant, il a fait capitonner sa chambre parce qu'il joue du piano toute la journée et toute la nuit. Et puis, Georges Sand a une fille de 17 ans, Solange, qui a les seins pointus et qui veut devenir une femme. Elle veut exercer son charme sur l'amant de sa mère. Et un jour, il se passe quelque chose d'horrible pour Georges Sand. Elle passe au premier étage, devant la porte capitonnée de la chambre de Chopin, et elle entend le rire aigu de sa fille. Et là, elle comprend ce qui se fomente, ce qui a peut-être commencé. Et elle écrit à Chopin une lettre d'une femme bafouée de ce qui peut arriver de pire pour une femme que sa fille lui vole son amant. Et ça, c'est une lettre extraordinaire en disant « Je n'entrerai pas dans ce combat-là ». Et quand Chopin meurt, place Vendôme, la dernière personne qui est là auprès de lui, c'est Solange qui lui tend un verre d'eau qu'il n'arrive même pas à saisir. Ce qui est certain dans cette affaire, c'est que Solange est très probablement tombée, elle, amoureuse, comme sa mère l'avait été, du pianiste. Ça, c'est certain. Pour qui est-ce que ça a été le plus difficile? C'est difficile à dire. Il faut quand même rappeler les relations très difficiles que Georges Sand, avant d'avoir des relations difficiles avec sa fille, avait pu avoir avec sa propre mère, hein, Sophie Victoire de Laborde, dont j'ai parlé. Ça se passait mal, voire très mal, alors que ça se passait divinement avec la grand-mère, en revanche, oui. La grand-mère paternelle. Et quand la grand-mère, qui est tout l'ancien régime, qui est ravissant... L'ancien régime assez rousseauiste en même temps. En plus, voilà, c'est ça, oui, ouais. Vous avez raison, l'ancien régime ouvert d'esprit, elle lui dit cette phrase quand elle va mourir à la petite Aurore, la future George Sand. Tu perds ta meilleure amie. Eh oui, c'est sa grand-mère qui lui dit ça. Tu perds ta meilleure amie. Et je pense que c'était terriblement vrai. Elle a eu un autre excellent ami, Georges Sand. Ça, c'est paradoxal. C'est son fils, quand même. Il faut parler, oui, de Maurice. Maurice, c'est Maurice qui va vivre toute sa vie à Nohant, qui est ami avec les invités, parce que les invités sont hyper prestigieux. Parce que vous disiez, en effet, tout à l'heure, elle est parisienne. Et elle est à la fois parisienne et campagnarde. Mais alors, à la table de Georges Sand, à la campagne, le casting est absolument incroyable. Les invités de Nohant. De Madame Viardot, bien sûr. Théophile, hein, Gautier, Tourguenieff, Delacroix, Dumas fils, Marie Dagou, Marie Dorval, Pauline Viardot. C'est extraordinaire. Et c'est tous les grands noms du romantisme, tout simplement, qui sont là, peut-être pas toujours tout à fait ensemble, mais qui sont là autour de cette table de Nohant, qui aujourd'hui est encore dressée, qu'on peut voir. Il faut aller, je disais tout à l'heure, aller à Nohant. Il faut décrire, hein, cette maison qui n'est pas tout à fait un château, qui est une très belle gentilhommière, telle qu'on pouvait les faire avec tout l'esprit du XVIIIe siècle, mais réhabitée, si je puis dire, par un XIXe siècle romantique. Il y a cette espèce de grand escalier en forme de demi-cœur. Ça, c'est assez extraordinaire. Ouais, il y a toutes la petite église. Oui, superbe. L'auberge qui s'appelle la petite Fadette. Évidemment. Et puis, quand vous arrivez alors en haut, toutes ces chambres tendues de perses, de tissus imprimés, on est quand même dans quelque chose de très provincial. Ce sont, comme aurait dit Ex-Braya sur un tout autre sujet et bien plus tard, les douceurs provinciales d'une certaine manière. Alors qu'au rez-de-chaussée tout de même, on mène grand train, si je puis dire, grande salle à manger, des cuisines dignes d'un grand château, pour le coup. Elle ne rechignait pas à se mettre elle-même au fourneau, Georges Sand. Alors elle avait quand même un emploi du temps extraordinaire, parce que c'était une maîtresse fabuleuse, une mère exceptionnelle, une maîtresse de maison incroyable, un écrivain. Alors elle s'enfermait dans un petit placard, elle avait un petit placard où elle écrivait la nuit, et elle menait tous ses rôles à la fois. Et vous avez raison, les vues à partir de la maison de Nohant sur l'extérieur sont tellement belles, tellement fraîches, avec les beaux arbres, les feuilles. D'ailleurs, quand elle est morte, elle n'a prononcé que ces mots mystérieux, laisser verdure. Très beau ça, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça fait frémir. Mais c'est vrai qu'elle a été, quand même, c'est intéressant de dire ça à cette époque, qu'elle a été aimée dans ce qui était le grand âge. Et elle dit cette phrase extraordinaire en parlant de son dernier amant, Alexandre Manceau. Il a les soins d'une femme et d'une femme adroite, active et ingénieuse. Quand je suis malade, je suis guéri. Manceau se met tout entier dans un verre d'eau qu'il m'apporte ou dans une cigarette qu'il m'allume. Il ne s'impatiente jamais. J'ai 46 ans, j'ai des cheveux blancs. Cela n'y fait rien. On aime les vieilles femmes plus, mieux que les jeunes, je le sais bien maintenant. Alors, évidemment, cette femme a été une amoureuse, vous venez de nous le prouver une fois de plus, Gonzague. Elle a été une maîtresse de maison accomplie et qui savait recevoir, ô combien. Elle a été un chef de file pour tous ces romantiques, etc. Mais n'oublions peut-être pas l'essentiel. Elle a été une plume, elle a été un écrivain avant tout. Un écrivain extraordinaire, si bien que, souvenez-vous, que Balzac lui avait demandé d'écrire la préface de son château, de sa cathédrale de papier, la Comédie humaine, et un écrivain respecté, admiré par Victor Hugo, enfin admiré par le monde entier, et en même temps, un écrivain qui reste une femme, qui s'amuse d'être une femme. Elle a une phrase à un moment assez étonnante en disant « Mais ce qui est le plus amusant, c'est d'être une femme. » Et ça, c'est le charme de George Sand. Il y a dans son style quelque chose de très pur, de très limpide et en même temps de constamment mystérieux, comme si elle savait, en mettant les mots les uns à côté des autres, créer des atmosphères. Ça, c'est romantique, pour le coup. C'est romantique, absolument. Et voyez-vous, en plus de ça, elle a été mêlée aux révolutions. D'ailleurs, il y a une définition du romantisme qui est la mienne. Les révolutions ratées font les romantismes réussis. Et c'est exactement ce qu'incarne George Sand, parce qu'elle est dans l'histoire. Un soir, elle passe en voiture devant le palais de l'Élysée. Elle dit « Mais c'est incroyablement calme, il ne se passera donc rien. » Eh bien, c'est le soir où le lendemain va éclater le coup d'État du 2 décembre, fait par le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Elle sera très déçue, elle, par tout ce qui s'est passé. Elle a cru en la révolution de février 1848, elle a vu ce que ça donnait, notamment au moment de la fermeture des ateliers nationaux. Elle a été totalement révulsée par le fameux coup d'État dont vous parlez. Pour autant, elle ne se met pas vraiment en marge du Second Empire. Elle fait partie des contestataires acceptés du régime, d'une certaine manière, on peut dire ça. D'ailleurs, avec le temps et avec l'âge, elle va avoir tendance à arrondir les angles et à se montrer de moins en moins révolutionnaire, si je puis dire. C'est une authentique socialiste, mais qui déteste la violence, et le spectacle de la Commune sera quelque chose pour elle d'insupportable. Nohant, écrivez-vous, où elle se retire à la fin, où elle va passer donc les dernières années de sa vie, c'est la superposition d'une vie d'hospitalité où la maîtresse de maison mène de front un travail à temps complet dévoué à la chose littéraire, où les nuits sont sans sommeil et où les pages se noircissent de 11h du soir à 6h du matin. Comment faisait-elle pour recevoir autant et écrire sans relâche, sans oublier ses autres activités coutumières, comme la préparation des confitures, le jardinage, la culture des fleurs indispensables à son équilibre physique, comme ses bains dans l'Indre, qu'elle pratiquera quasiment jusqu'à ses derniers jours. En feuilletant encore une fois ce très bel album qui paraît chez Grund, qui s'appelle « En tête à tête avec George Sand », un album préfacé par Françoise Chandernagor et illustré par les belles aquarelles de Philippe Lorrain, on est plongé dans cette atmosphère à la fois tendre et parfois un peu sombre, dans cette atmosphère quasi liquide d'un paysage constamment verdoyant, comme disait George Sand elle-même, laisser verdure. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et Franck, c'est une question d'Emmanuel via la page Facebook de l'émission aujourd'hui. Bonjour Franck, pourriez-vous revenir sur l'origine de l'expression « s'en moquer comme de l'an 40 » Alors il y a toutes sortes d'origines, pour tout vous dire, Emmanuel. Il y en a de crédibles et d'autres qui le sont moins. Celle qui me plaît bien, je vous l'avoue, c'est l'explication donnée par le linguiste Maurice Rat, qui nous dit « la locution aurait été reprise sous la Révolution française par les royalistes et contre-révolutionnaires qui disaient plaisamment, quand on eût rappelé l'année 1792, l'année 1792 l'an 1 de la République, qu'il se moquait d'une chose comme de l'an 40, parce qu'il se doutait bien qu'il n'y aurait jamais d'an 40, vous voyez, il n'y croyait pas. Et donc se moquer de quelque chose comme de l'an 40, ça voulait dire qu'avant qu'on soit arrivé en l'an 40 de la République, voilà. Je trouve que c'est assez convaincant. Ce n'est pas l'hypothèse la plus souvent retenue, pour tout vous dire. Généralement, l'hypothèse que l'on retient plutôt, c'est celle qui remonte au Moyen-Âge, au temps des croisades. Les chevaliers chrétiens utilisaient à l'époque une expression expression qui était se moquer de quelque chose comme de l'Alcoran, en parlant du Coran, qu'on appelait à l'époque l'Alcoran. Et donc on disait, oh ben je m'en moque comme de l'Alcoran, et ce serait devenu petit à petit s'en moquer comme de l'an 40. Vous voyez, c'est en tout cas une possibilité, je ne dirais pas que c'est la seule. Le nombre 40, vous le retrouvez partout de toute façon. Hein. Il a une symbolique particulière. Les périodes de jeûne ou d'abstinence durent généralement 40 jours. La Bible nous dit que le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Moïse va passer sur le Sinaï 40 jours. Enfin, vous voyez, bon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... On utilise ce nombre 40 dans bien des circonstances. Donc, il se peut qu'on ait cherché cet an 40, qu'on l'ait sorti en quelque sorte de l'imaginaire collectif, tout simplement. Ce serait une autre possibilité. Mais je suis désolé, je ne peux pas donner à Emmanuel une explication plus définitive que toute celle-là, puisque je dirais que la vérité se trouve sans doute un petit peu quelque part entre toutes ces possibilités. Je tiens à rendre hommage aujourd'hui à celui qui, depuis 3 mois maintenant, nous abreuve chaque jour en retour aux origines, car c'est lui qui va faire ses petites recherches pour me permettre d'avoir l'air savant au micro. C'est Pierre-Emmanuel Mesqui. Il nous a accompagnés pendant 3 mois et nous l'embrassons tous.